Planète Rap. 100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français. Juste après D-Fool, il est là de retour parmi nous. 100% punchline. Comment ça va, Seth? Ça roule haute, mon petit pote. Après cette semaine, quand même, c'est tragique, hein, on peut le dire. Je suppose que toi aussi, qui connais bien le Bataclan et puis différents endroits aussi. J'y étais trois jours avant, voilà. Le Bataclan pour Young Thug. Aux mêmes horaires, donc voilà, ça aurait pu arriver à n'importe qui, c'est ouf. Voilà, et on a une pensée évidemment une semaine après, une fois de plus, pour tous les gens non seulement au Bataclan, à Saint-Denis, c'était le cas aussi encore aujourd'hui au Mali, à Bamako, donc voilà, on espère le plus rapidement possible. Voilà, moi je voulais remercier aussi tous ceux qui ont eu les couilles de venir me supporter à mon concert de soir là que j'ai fait au Trabendo. Concert au Trabendo, parce que c'est vrai que c'est pas évident, même pour toi d'ailleurs sur scène, tu ressens un truc. Ah, j'ai hésité à venir avec un gilet pare-balles, je te cache pas. Hein, non, mais c'est vrai, à ce point-là, c'est. Même toi, tu. Bah, t'y penses, je sais pas comment dire. Je te dis, quand nous on était dans la rue où la fusillade a pété au Bataclan, là, c'est quand même, tu te sens que c'est proche de nous quoi. Là ça se passe à 10 minutes de chez nous. Hein. Ouais c'est ça, exact. C'est vrai que bah, on n'est pas habitué que ce soit aussi proche. Bah, généralement les gens n'ont pas conscience parce qu'ils vivent ce qui se passe à l'étranger à travers la télé, mais là on est au cœur du conflit. Et puis c'est vrai que certains d'entre nous aussi étaient touchés par des gens qui connaissaient des gens et même des proches même parfois. Donc voilà, une pensée pour vous tous une semaine après, mais il faut aussi que la musique reprenne ses droits. Il faut continuer à aller sur scène. C'était ton cas ce soir, Seth, avant de repartir aussi pour une tournée en 2016, hein, toi. Hein, tu vas repartir en tournée. Ouais, je reviens dès février. Parce que là, ça y est. Tournée concert et tournée showcase. Bientôt, tu penses déjà à ton départ, à ton retour à la maison. Je pense que en fait le rap va très vite et que j'ai mis 2 ans à faire un album. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens consomment le rap comme des fast-food. Donc, je pense que je vais pas avoir réellement le temps de m'occuper de mon bar cette année. Je vais me concentrer à faire un deuxième projet. Ah ouais, déjà. T'es chaud. Faut rester dans la course, mec. T'es chaud bouillant. Sinon, les gens ils passent vite à autre chose. Seth Gecko avec nous ce soir, La Nocturne. Une heure de Seth Gecko avec des morceaux. Ça va être quoi? Principalement du dernier album qu'on va passer ce soir? Ouais, on va faire plaisir aux gens qui ont peut-être pas connu l'album ou l'ont pas acheté. Quelques inédits aussi, Machine à laver notamment, qu'on repassera tout à l'heure. Ouais, un gros titre, ça c'est exclu pour toi, mon gars. Et bon, on pourra l'écouter tout à l'heure. Et là, on débute avec Shintawaz. On charbonne dur avec Gradure. C'est parti. Planète Rap. 100% rap français. J'suis pas ton copain, alors calme ta wash. On est plein comme les Shintawaz. Dieu est grand, j'en fais le témoignage. Le rap a transformé les mecs de tête en bourgeoise. On fait espèce et on plonge dans des plages couleur turquoise. Qui paye ses ardoises, s'enrichit, fait du nettoyage. Y'a des traîtres ici, Versace, la méduse te pétrifie. Elle s'asphyxie, quoi, lorsque j'appuie sa tête. Elle a eu les yeux plus gros que la Schneck, comme Anissa Kate. On attend qu'une chose, qu'à Paris ça pète. Flic contre Kera, qui tire aux roquettes. S'il était légal de tuer, beaucoup ne seraient plus sur la planète. Le sprint du rap est tendu comme une arbalète. Je suis venu jouer de la harpe avec. Je te plante avec le pic de la fourchette. Et j'insulte ta mère comme Gilles de la Tourette. Je mets des baffes d'Obélix, les pétasses m'obéissent. Au doigt et à l'œil comme fusil à lunettes. Lamborghini, taille réelle, pas majorette. Amande majorée, l'état nous raquette. Pendant que le net a fait pousser des couilles aux tapettes. Je suis carnassier, les couilles en or, j'ai le cœur en acier. Mes punchlines tombent du ciel, j'ai plus qu'à ramasser. Si tu me pécho, tu sais où aller. Nos bécanes sont pas musulmanes, mais pourtant elles ont l'air voilées. J'suis pas ton pote alors calme ta wash. Dieu est grand, j'en fais le témoignage. On charbonne comme les Shintawaz. On charbonne comme les Shintawaz. On charbonne comme les Shintawaz. J'suis pas ton pote alors calme ta wash. On charbonne comme les Shintawaz. Dieu est grand, j'en fais le témoignage. Je fais le témoignage, témoignage, témoignage. J'suis pas ton pote alors calme ta wash. J'suis pas ton pote alors calme ta wash. La peu est bonne, t'es pas de moi un wash. J'accélère et galère les vœux que sur l'asphalte. Ils m'attraperont pas ces fils de lâche. Oui, j'roule joint au pec. Sur leur intel comme pas épec. Aucun de ces bâtards ne peut me la mettre. Et la K47 traverse même les pecs. Traverse même les pecs. Le bloc dans la bouche et la bite dans la schneck. Si mon arme te check, la mort te guette. J'ai squat, charbon dans ta poche en pire que les Shintawaz. Laisse-moi rentrer dans ta tâche, que j'y fasse du nettoyage. Tina Turner, Bobby Brown. Je l'attrape par le chignon comme un poisson dans l'eau. Faut que j'y aille au fond. On charbonne matin, midi, soir pour la maille. Voir mes darons tués comme des esclaves pour des salaires de merde, ça fait mal. Papa veut se barrer au bled. Maman veut voir le bébé sortir de la schneck. Le buzz et les soucis, le pouvoir, le succès, les salopes veulent sucer le buzz qui me reste. Le chèque est trop haut pour calculer tous ces négros. J'suis sur soi, mettre les fresques. Et l'index fait des guilis guilis sur mon pharmace mili. Ça fait stalé. J'suis pas ton pote alors calme ta wash. Dieu est grand, j'en fais le témoignage. On charbonne comme le Shintawas. On charbonne comme le Shintawas. On charbonne comme le Shintawas. J'suis pas ton pote alors calme ta wash. On charbonne comme le Shintawas. Dieu est grand, j'en fais le témoignage. Je fais le témoignage, témoignage, témoignage. Je suis pas ton pote alors calme ta wash. Calme ta wash. La planète rap sur Skyrock. La grosse chatte à ta mère en pièce jointe. Tu roules en féfé sur les champs. Moi je préfère marcher pieds nus sur la terre sainte. Faire disque d'or avec du rap par corps. C'est dur comme déboucher des chiottes avec un cintre. Faut crier pour que ces portes écoutent. Soit tu portes tes couilles, soit tu portes plainte. Les gars du crew attendent l'heure de gloire. Marc Dutroux attend l'heure de pointe. J'rappe pour mes fumeurs de zat et mes buveurs d'absinthe. T'es maquillé comme une voiture volée, ta mère la teinte. C'est pas un chirurgien qu'il faut, c'est un peintre. Voilà, rap ta mesquin, je suis la version blanche de Despo. Cherche pas à savoir si on a de la blanche de dispo. Plus j'aime les femmes, plus j'aime les chiennes qu'en pense le védo. Que la RATP me suce avec sa bouche de métro. Sale est le propos, schlag est le losbo. Mon disque d'or fondu sur ton crâne à la cale, Drogo. Yeah. Fais du bruit pour mon val d'oseille. L'euro rouge, le porte à merveille. Ramène tes MC, j'prends n'importe lequel. Canon dans mon pantalon, bang, bang. Tu ressembles plus à une tasse qu'à Pocahon. Les schlags veulent la galette, mais pas les centons. Je suis pas venu là pour parler sans temps. Je fais des provisions sans chèque, des chèques sans provision. Les matons, c'est des bâtards, t'es mal à tête qu'ils ont. Il pleut des cordes, il fait un temps à s'évader de prison. Ouais, je suis un papillon, mais je veux pas de ta chatte en fleurs. Je fais le poirier quand je pleure pour que les larmes coulent vers l'intérieur. Les MC viennent chez moi passer l'aspirateur. J'suis sûr qu'ils étaient pédés dans une vie antérieure. Reste à ta place de gentil rappeur. Ou ton clash va te péter à la gueule comme après avoir chié sur un ventilateur. Yeah. Fais du bruit pour mon val d'oseille. L'euro rouge, je le porte à merveille. Ramène tes MC, j'prends n'importe lequel. Je me prends là avec ton corps, c'est pas pareil. On porte pas d'américain à Paris. J'ai le même vice que l'Hérita à la Palerme. T'es une chienne, mais t'en as pas l'air. Suce mon génital à pareil. Fais-moi une pipe au miel sur la bite, j'ai une abeille. Question préférée, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces bouteilles? On sort le pastis comme à Marseille. Tu bastos dans le Marcel. Hommage aux darons qui balayent. On sort des couplets, t'as les bootlegs de Harlem. Le poteau sort du star, alors on paye les TD. Demain c'est le ramdam, on sort le BDDT. Aujourd'hui t'as du buzz, demain t'en as plus, c'est comme l'oseille. Pète pas plus haut que ton cul, t'auras de la merde derrière les oreilles. Yeah. Faites du bruit pour mon val d'oseille. L'euro rouge, le porte à merveille. Ramène tes MC, j'prends n'importe lequel. Les punchlines, j'en ai à la peine. Planète Rap. 100% explicit lyrics. Bar, 29 rue Bengla. Si t'es un loup-bar, benga. J'aime trop les femmes, j'aime trop la sape. Tu veux du taf, passe-moi ton number de toi la sape. Pour faire du twerk, pas besoin de work permit. 34 degrés en hiver, choc thermique. Viens en couple, en grosse équipe. Le son est thug, mais c'est pas bordélique. Nouveau bar avec ventilo et la clim. J'suis tranquillo avec la crime. Jason Voorhees au platine. Et si les filles travaillent, on dit surtout pas qu'elles tapinent. Fais péter la cloche. Fais péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la piatch et de la grosse cochonne. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Y'a des gros bonnets, de l'illégal. Pose ta bouteille de Chivas régale. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Appelle-moi Batman. Reste pas dans le calbar, Batman. Batman, je règle mes problèmes à coups de bat, Batman. Fais péter la cloche. Fais péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la biatch et de la grosse cochonne. L'ouverture c'est 20h. La fermeture c'est 4h. Y'a de la fumée et de la vapeur. Et de la verdure coupée au sécateur. 1000 battes la tournée de shooter. Y'a de la pupute, les dalles jouent les hookers. Tout le monde rentre ici, y'a pas de code couleur. Qui mixera demain, Snake ou Cut Killer. Y'a pas de videur, le portier c'est Bobo. Qui n'y a opé le bar final à gogo. I'm in love with my noix de coco. À 12 000 km de Saint-Ouen en Lolo. T'achètes doudoune, j'achète short de bain. Si tu pars en coucou et boum, pomme de pain. C'est le spell avec l'homopop chégué. Sois pas homophobe quand tu chites un peu pédé. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Y'a des gros bonnets, de l'illégal. Pose ta bouteille de Chivas régale. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Appelle-moi Batman. Pièce de bat dans le calbar, Batman. Batman, je règle mes problèmes à coups de bat, Batman. Fais péter la cloche. Fais péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la piatch et de la grosse cochonne. Sangue au bar, en dessous du gossip. Soir on piaffe comme des alcooliques. T'es même pas bonne avec ton gros slip. Une fois que j'suis mao, ciao, I go sleep. Deux bouteilles, on place au VIP sucrète. T'es venu en Thaïlande grâce à Bouska Phuket. J'rappe pour les cailles dans la salle. Tatoué comme taille de la signe comme Latinos. Les yeux rouges comme un albinos. J'ai soif amigos, paye ta salitos. J'mettais Versalcha avant les migos. C'est la haute saison. Avant de demander une photo, apprends à dire bonjour. La moitié de mon chickson est en prison. Et l'autre moitié attend son tour. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Y'a des gros bonnets, de l'illégal. Pose ta bouteille de Chivas régale. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Appelle-moi Batman. Reste pas dans le calbar, Batman. Batman, je règle mes problèmes à coups de bat, Batman. Fais péter la cloche. Fais péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la biatch et de la grosse cochonne. La Nocturne, 100% rap français avec Monsieur Seth Gecko avec nous. Et à l'instant, la cloche. Péter la cloche, c'est ce qu'on écoutait, le Seth Gecko Bar. C'est extrait de ton album. Là, on va aller faire la faire péter en live, là, bientôt. Donc, tous ceux qui sont en Thaïlande, décembre, janvier, je serai là-bas. Venez 29 rue Bangla Road, à côté du KFC, du Burger King. Mais on peut trouver facilement, de toute façon, non c'est... On peut pas me louper. On peut pas louper le Seth Gecko Bar. Je suis accroché à la cloche, je suis suspendu, mec. Tu repars quand, là début décembre, déjà, directement? Ouais. Exact. Et puis en attendant, il y a toujours cet album, Seth Gecko, qui était tout à l'heure en concert. On salue les gens qui sont sortis d'ailleurs du concert aussi de Seth Gecko, du Trianon, concert avec Seth Trabendo. Trabendo, pardon. Trabendo na bendo. Trabendo na bendo, exact. Le Trabendo, ceux qui étaient ce soir du côté de Paris. Et je le rappelle, donc une tournée en 2016 pour Seth Gecko. Et du gros son. Et du gros son avec cet album qui est sorti là, il y a maintenant quelques jours de cela. Ouais. Quel est le premier bilan que t'en fais pour l'instant sur cet album? Écoute, j'étais Professeur content. Punchline. Je voulais pas que les gens disent, ouais, il a appelé son album Professeur Punchline et il y en a moins que dans les autres CD. Je voulais juste que les gens disent, ouais, lourd, il n'y a que de la punchline, voilà. Et c'est ce qui a été relayé sur les réseaux, donc voilà, je suis content. Seth Gecko, on va repartir sur une nouvelle session. Si je te dis, par exemple, ce morceau qui s'appelle Boulette en métal. Ouais, Jock Sadek, lourd, ça c'était une combinaison qui me tenait à cœur. J'allais dire des petits jeunes, mais même pas, ils sont dans le game depuis quand même. Mais j'affectionne particulièrement. avec Sadek, avec Joke. Le morceau, c'est Boulette en métal. C'est ce qu'on écoute maintenant. Et puis il y aura Delicatessen juste après. Planète rap, 100% rap français. C'est Gex Pharaon M-Tip. Ça fait boulette, boulette, boulette comme une boulette en métal. Foulette, foulette, foulette comme une levée en bécane. Posé dans le check, posé dans le vide, posé on me cale. On aime les soubrettes, soubrettes, soubrettes, soubrettes en état. On va te fourrer, fourrer, fourrer ton gros tard. Ça fait boulette, boulette, boulette, ratata. On va te fourrer, fourrer, fourrer, fourrer ton gros tard. Ça fait boulette, boulette, boulette, ratata. Je rappelle que sur nous ils voulaient pas miser. On mène 5-0 à la mi-temps sifflé. Ils ont rien à proposer et ils veulent négocier. Ils me sucent tellement la bête que je trouve plus le temps de pisser. J'ai plus de rétro, trop personne va me freiner. 6 litres de vodka et je commence l'apéro. Ta daronne m'a dit que mon daron lui plaisait. Il peut la baiser, je serai jamais ton frérot. Propos tiens et reposté sur le terrain, pas de réclamation. Baisse d'un ton, alors mon mignon, on est plutôt poisson. Rien que tu lèches des moules, rien que tu serres des dons. Et j'ai perdu du poids, des dizaines de kilos. Je les ai repris en roro, en punchline, en MD, en pédo, en coco. Parti sur funèbre, c'est mon récital, je meurs sur deux mois. Si j'ai décidé de te mettre une balle, même Thibaut Courtois pourra rien pour toi. Pleine tête, la moitié du chargeur dans le cerveau. Perpète, ou passer sa vie dans le métro. Que des grosses têtes, évidemment j'vois pas le même pédo. J'passe à l'assaut avec cette Diego, notre commando, Liberton Pédo. Ça fait boulette, boulette, boulette comme une boulette en métal. Foulette, foulette, foulette comme une levée en bécane. Posé dans le check, posé dans le vip, posé on me cale. On aime les soubrettes, soubrettes, soubrettes, soubrettes en état. On va te fourrer, fourrer, fourrer ton gros tard. Ça fait boulette, boulette, boulette, ratata. On va te fourrer, fourrer, fourrer, fourrer ton gros tard. Ça fait boulette, boulette, boulette, ratata. Mauvais est le penchant, mauvais t'es le penchant. Si madame a des maux de tête, j'ai des capotes et ferralgan. Monsieur l'agent, comment allez-vous-en? J'ai mes liasses dans le slip, c'est ce qu'on appelle des sous-vêtements. Criminel de la rime, j't'éclate la gueule frère. J'suis pas une fashion victime, j'achète un Karl Lagerfeld. Au placard c'est horrible, dès que t'as la grosse fièvre. Dès que t'as mal au ratiche, car les vampires vont pas chez les dentistes. Grosse couille, gros pénis, comme si j'avais l'éléphantiasis. Jack Dada, c'est ma potion magique, slash chatte à panoramix. Armand, Brignac, Camo, Salman, Mevac, perle, sun, glacis. Tu rappes comme un fils de pute, tes punchlines sont nés sous X. Liqueur de cassis, sirote avec des femmes mûres. Impossible que je parle dans la poche capsule de cyanure. J'ai belle allure, je lui dis qu'elle a sus, etc. Puisque j'ai de faire péter l'arme russe. Rien que j'fais que Péra pour payer le dernier Brabus. C'est moi le futur sur la chatte à Nostradamus. Le meilleur par A plus B, punchline Cassius. Blé, plein les paluches, évidemment c'est moi le suspect. Mamma mia, on va t'envoyer brouter la chatte à Alia. Mamma mia, à part un miracle, l'île de France deviendra jamais une île paradisiaque. Je veux pas me répéter, tous ces rappeurs perroquets. Voilà le 109 avec Gecko 77. Lâche ton 07, j'ai le mojo de 0077. Elles aiment les petites attentions, elles aiment les grosses cakes. Ça fait boulette, boulette, boulette comme une boulette en métal. Foulette, foulette, foulette comme une levée en bécane. Posé dans le check, posé dans le vide, posé on me cale. On aime les soubrettes, soubrettes, soubrettes, soubrettes en état. On va te fourrer, fourrer, fourrer ton gros tard. Ça fait boulette, boulette, boulette, ratata. On va te fourrer, fourrer, fourrer, fourrer ton gros tard. Ça fait boulette, boulette, boulette, ratata. la trappe. Nocturne. Sur Skyrock. Nocturne. Avec des boucaves, c'est le fils de pute. Quand tu me parles, retire ta main de ma nuque, petit fils de nuque. MC, arrête tes pipoires et tes fils de flûte. La mort, c'est l'arrêt du cœur, l'amour, c'est l'arrêt du huc. Aucune rime en réduque, tu veux du loup, faut rémunérer. La claque va être si forte que même si tu l'esquives, elle va t'enrhumer. Je vais leur faire du mal, au sens propre, au sens défiguré. J'ai besoin d'un flingue pour te flinguer, mais pas d'un tank pour t'enculer. J'envoie du sale, comme le cul m'aimait, va falloir la récurer. Je balance rien, le con du barman, c'est de te faire tirer les verres du nez. Je découpe l'instru comme un cruel charcutier. Je découpe l'instru comme un cruel charcutier. Que des gros poissons, on se déplace qu'en chalutier. J'ai passé ma jeunesse à arpenter les rues, elle capuchée. Viens ici petit pucelle, je vais te décapiter. Charpenter comme un charpentier, je suis une tête à couper. Se demandent tous comment j'ai fait pour perdurer. Je suis dans le mercato, on vous dit percuter. J'ai pas une mercato, encore moins de percurer. Crois pas que je baratine, les clés du paradis, ils les ont avalés. On ira jusqu'à les éventrer pour les récupérer. Pour les cocaïnos et denter, le bonheur est dans le cré. Tu vas ressortir du game aussi vite que t'es rentré. Tu te la racontes, mets ton fusil à pompe et plus les pieds. Ouais, tu te sens seul comme un gladiateur qui a plus d'épée. Allumez les spliffs, sortez les tailles de gousse grée. Je te souris par devant. Gros coup de chlasse en loose dé. J'sais d'où j'viens, j'sais où j'vais. Les suceurs beat restent bouche bée. T'as du flow mais pas de rime dans tes couplets. Les vétérinaires n'ont jamais fait de bon boucher. J'découpe l'instru comme un cruel charcutier. J'découpe l'instru comme un cruel charcutier. Que des gros poissons, on se déplace qu'en chalutier. Viens ici petite pucelle, je vais te décapiter. Ça va saigner, demande à Negan et Lucille. C'est nos crimes, que les keufs en Megan et Lucille. Nique la PAC. On va tous mourir, j'en suis méga lucide. Breaking Bad, Cowboy, cousine, j'te baisse dans la capucine. Quand j'bande, on dirait une tente de camping. Bang, bang, bang. J'suis la partie visible de l'Eisenberg. Prépare le missile, roule un gros joint d'herbe. J'tiens Barafi comme Slim Iceberg. Bang. Le game, j'lui fais une Gomorrah et Sodome. Si j'te baisse, c'est que t'es une meuf, viens d'honorer son homme. Je te viole par les oreilles et je te refile une gonorrhée sonore. La chatte à Rebecca, la grosse paire de couilles à Proctor. Le temps c'est de l'argent, j'ai une grosse Rolex en or. Je bois de la vodka et alors, combien de Polonais sont morts? Je dévore les livres comme Hannibal, je suis un gros lecteur. La SNCF comme un Samzaref, c'est des gros voleurs. Pas besoin de pare-balles, seul Dieu est protecteur. T'es qu'un petit novice, je suis un gros phaser. Scratch le clitoris comme un crossfader. Suis-je métro sexuel si j'encule un contrôleur? Si tu sais pas faire de punchline, viens voir le professeur. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Pétale sac de Juliette pendant que j'égorge Roméo. J'crois que la vie a pleine dents comme les zombies de George Romero. Ouais, j'ai les crocs comme ma petite boule qui tronche ta jambe. J'suis le père fouettard, MC va faire tes devoirs et range ta chambre. Accroche ta sangle, on a le pied au plancher. Balance les gambas sur la planche, soulève mon sexe en acier trempé d'une simple pensée. Tu veux goûter le bitume, penche-toi que je t'encule avec du gravier. Grosier et le langage, tu connaissais le personnage dans le gosier. Tu dis en d'âge, tes dossiers, j'ai fait les sondages. Monte sur le ring, au son de la cloche à fromage. Rapapa, maintenant si un gruyère te voit, il t'appellera papa. 666. Le compte de la diablée, c'est d'avoir le paradis entre ses cuisses. La vie n'est pas rose comme un clitoris. Quand je repense aux immondices faites par Dominique Baudis. On dit pas le cow-boy roupie, fils, mais l'homme au pistolet d'or. On nique les skins, on fiste les porcs. Ouais, je donne l'heure à leur destin. Qu'on me dise que j'ai tort d'avoir fui le triste décor parisien. La vie c'est des questions du début à la fin. Ça commence par la tétine ou le téton, puis le flingue ou le surin. Ça se terminera par du chêne ou du sapin. La terre est ronde, pourtant y'a des tapins dans les quatre coins. Monsieur l'agent veut mes papiers, mais je les ai pas, je les ai oubliés. Ses collègues me regardent les yeux écarquillés. Passez-moi les menottes, vous faites pas prier. J'ai de la chatte à fouetter, du pain sur la planche habillée. Ils savent pas rapper, pas s'habiller, allez vous démaquiller. Détache les chèques selon les points chiés. Ce soir monsieur l'agent n'aura pas mes papiers. J'suis dans le faucon millénium. Han Solo, t'es pas un homme, même tes couilles, elles t'ont unfollow. J'suis qu'un salaud, c'est soit je m'essuie dans le sopalin ou soit tu sois l'eau. Et ouais, mon lapin, c'est soit l'un ou soit l'autre. Elles investissent dans leur nid-bar et excellent dans la puterie. C'est l'hôpital qui se fout de la charcuterie. C'est pas moi qui ai grossi, non, c'est tes yeux qui ont maigri. J'suis resté le même contrairement à ces abrutis. Dans le fond, je me dis qu'on est plutôt bien lotis. Quand je pense aux frères en reps en train de nettoyer la cour, j'avais des frères, la jalousie les a rendus aigris. Chérie, c'est tes oreilles qu'on devrait appeler des poignées d'amour. Yeah. Monsieur l'argent veut mes papiers. Mais je les ai pas, je les ai oubliés. Ses collègues me regardent les yeux écarquillés. Passez-moi les menottes, vous faites pas prier. J'ai de la chatte à fouetter, du pain sur la planche habillée. Ils savent pas rapper, pas s'habiller, allez vous démaquiller. Détache les chèques selon les points chiés. Ce soir monsieur l'agent n'aura pas mes papiers. Tête à tête. C'est la nocturne, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un tête à tête qui se répare ou quoi ? Non, non, je voyais le reflet de la tête de Lamine dans la vitre et j'ai dit c'est quoi cette bonne femme qui me regarde là-bas, cette sorcière ? C'est Aïcha Koundicha, mon cousin. Monsieur l'agent, à l'instant, c'est ce qu'on écoutait. Seth Gecko avec nous, ça aussi, c'est un extrait de cet album. Ouais, monsieur l'agent n'aura pas mes papiers. Professeur Punchline, l'album qui est dispo. Par exemple, si là on écoute des morceaux, on se dit ah, il est vraiment bon quand même cet album de Professeur Punchline. Est-ce qu'on peut le commander tout de suite cette nuit là ? Tu peux le pécho sur iTunes, 9,90 €. Tu peux aller le chercher dans tous les bons points de vente, les bons disquaires à 15 balles, 14 balles. Et avec un, celui-là, il est un petit peu plus cher en physique parce qu'on offre un ticket gagnant pour la Thaïlande pour deux personnes. Ah, et voilà, alors, le golden ticket, le golden ticket. Parce que moi, j'ai gratté mon golden ticket. Ah, rien. C'est le mot, ouais, c'est rien. Le Mongol ticket quoi. Alors, ouais, j'ai rien eu du tout. Donc, non, bah on attend toujours le regagnant hein, qui se dépêche une chance au grattage, une chance au massage, mon pote. Donc l'idée c'est vous acheter en physique alors là pour le coup l'album. Bah ouais, on offre un billet d'avion pour deux personnes, 5 jours, venir découvrir le Gecko. Et voilà, dans quoi. Son élément, dans son bar. Dans son bar. Allez, on est reparti pour une nouvelle session. Un titre inédit, Machine à laver. Rappelle-nous comment celui-ci n'a pas débarqué sur l'album. Mais ce qu'il arrive après tout le temps. Quand tu viens de finir un album, tu dis putain, il manque quand même une petite touche, un morceau un peu plus hargneux, un petit peu. Oui, c'est pas un recalé de l'album. Non, non, non, ça c'est une dinguerie qui est arrivée un petit peu trop tard. Et donc j'avais envie de le faire vivre parce que voilà, des fois c'est bien de donner des titres un peu gratuitement aussi. C'est toujours été comme ça avec Neochrome, c'est offrir généreusement. Et ben on écoute ce morceau maintenant qui s'appelle Machine à laver, titre inédit, Seth Gecko. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Yeah. Oh. Ok. Les blagues racistes, ça amuse que les porcs. Que les porcs. De la testo dans les muscles du corps. Que du corps. La mosquée, c'est la muscu du cœur. Du cœur. Ils disent que la musique adoucit les mœurs. La mienne endurcit les mœurs. Gouah. Médouza face sur le t-shirt bougladesse. Dans le pic bouge ta fesse comme une pin-up. Où ça va chier comme dans la vidéo Two Girls One Cup. Reçois belle et tais-toi. Tes trous et ma vallée mes doigts. Enterrez-moi dans la vallée des rois. Plus d'une flèche à mon car quoi. Faut pas rester là barre toi. Je crois du champagne pisse de la Stella Artois. Si tu veux rouler sur leur écrase moi les keufs font des passes droits. Les refs font des caches bras. Leurs meufs veulent leur yage main. Mais une cagole c'est 2 neurones. La vie n'est pas trop chère Asmar. Une cagoule c'est 2 euros. Ça me désole que les femmes se rassurent. Les plus gros salopes j'ai vu c'est des hommes. La rumeur résonne. Je suis venu décapiter leur projet. Les fils t'es avec le même avant-bras que le capitaine Crochet. Je vais te planter tu vas plainter. Je pourrais pas éviter le procès. Oh putain. Les violeurs doivent être amputés, dépités. En France les voleurs sont députés. Oh putain. Tu fais le fou derrière ton PC. Mais tes couilles sont pas plus grosses que des raisins secs. Tu faisais quoi avant d'avoir internet? T'arracher les ailes des insectes. Rastel, je picole pas, je me désinfecte. Je me bats pour que le cœur inspecte. Me lastique et que la street me respecte. Check, mieux vaut être respecté qu'être craint. Qui ont lâché des gros glaires et pété des joints. Alors la ferroviaire, pas nous éjecter des trains. Je sens du coiffeur, tu peux checker la netteté des coins. J'ai toujours su détecter les joints. Alors ne joue pas l'harmonieuse pucelle. Ta vie n'est pas glorieuse, tu sais. Tu n'es qu'une charbonneuse du sexe. Les larmoyeuses, y'a qu'au Hebs que je ne souris plus. Je pourrais avoir confiance au keuf, mais ces enfoirés tuent. Demain j'ai une soirée pute, non une soirée étudiante. Une soirée débutante, mais elles veulent que la coke soit repue. C'est une fois que le chat est repu qu'ils trouvent que le cul de la souris pue. Et vu que ton cul se dit la tasser à l'air, facile à casser demain. Toi et tes potes parleront de mes punchlines autour de la machine à café. Je vais baiser ta mère, lui offrir une machine à laver. Partir avec le prof de gym alors qu'il vient de lui refaire les seins. Je regrette encore l'époque de Gilles X-Men Mouden qui la bise et son essaim. On y stigmatise car on n'est pas des saints. Monsieur l'agent, on sait qu'il attise la pastille 51. Tu prends une bastos pour un terrain. Les flics pour eux t'es rien. Si tu liquides un homme, vise bien. Car un homme blessé en vaut plein. Faut que j'arrête la bière, je bedonne comme le bibin d'homme Michelin. C'est le déclin, on me fait des clins d'œil franc-maçonnique. J'entends encore le DAS qui tue et l'institut pharmaceutique. Nique leur logo ésotérique. Si je pouvais, je donnerais à tous les clodos une couverture thermique. Outré par le nombre de vieilles et mandériques. Alors que Horst Tepper était un putain d'SS. La France fait peur, hommage à Clément Méric. Chaque chasseur de skin mérite un putain d'espèce. J'rappe sans vergogne. dressé comme un volcan d'Auvergne. Contre les ivrognes qui nous gouvernent, j'aime les hommes qui ont de la poigne, les poignées de main ferme. On devrait ligoter les balances sur les voies des chemins de fer. Une amitié sincère, c'est beau comme une prison qui brûle. Mais des boules caisses en enfer, y'a des gens qui hurlent. J'rappe la hure, personne joue du mambo. T'es en danger de mort comme les adeptes de Joe Dimambro dans le Vercors. Ça c'est du rap de Titi parisien, avec un schlass dans la poche comme un Tunisien. La vie c'est dangereux, on en meurt tous à la fin. Cousin, rapper vite, ça veut pas dire rapper bien. Parisien, tête de chien. Ouais mais Paris go, bête de flow. PSG sur le maillot comme Paris 7 Keiko. Yeah. Ça c'est du rap de Titi parisien, qui sort tout droit d'un bouquin de Franck Margerin. Du rap de martien comme Grishka et son frère Igor, un son par Igor, pas du Périgord. Qui s'exprime à l'aide d'argot et d'oxymore, qui fut un temps vendé de la drogue sous le corridor. Ça c'est du rap de Titi parisien, j'aurais refusé qu'on me dise pédale, même si je m'appelais Poulidor. Méfie-toi de l'eau qui dort, si je marche à tête baissée, c'est que ma chaîne pèse au moins de l'eau qui dort. Toujours fidèle à ma joncaille, t'as pas de lové ma caille, va chiner son acaille. Aïe, en mes gants sur la Winchester chromée pour pas les se faire gauler. On a baigné dans le crime en nageant d'eau crawlée. À Leicester, que Dieu me préserve des rites mystiques d'Aleister Crowley. Je mets de l'argent de côté, c'est de la congélation de pognon. Dans tes amis, y'a ton pire ennemi déguisé. Je reste droit comme la constellation d'Orion, aligné avec les pyramides de Gizeh. Ça sent le kiss day, c'est chaud pour ton matricule. Fil circule entre les parties fines et les particules fines. Et je lève mon verre de tease à la menthe pour les darons partis de l'usine confuse et la mise à l'amiante. Ça c'est du rap de Titi parisien, avec un schlass dans la poche comme un Tunisien. La vie c'est dangereux, on en meurt tous à la fin. Cousin, rapper vite, ça veut pas dire rapper bien. Parisien, tête de chien. Ouais mais Paris go, bête de flow. PSG sur le maillot comme Paris 7 Keiko. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. Dieu. Oh. Bye bye bye. Oh. On vend de la neige mais c'est pas l'hiver. On met des gants mais c'est pas l'hiver. Y'a ce coloré, coloré, coloré, coloré, coloré, coloré. Gros bonnet mais c'est pas l'hiver. On vend de la neige mais c'est pas l'hiver. On met des gants mais c'est pas l'hiver. On fait du ski à Dubaï mais c'est pas l'hiver. Monte le pen sur le toit. Et c'est moi qui le pousse. Deux yeux qui regardent un beau cul ne valent pas un doigt qui le touche. Mundele, mundele, mundele, mundele, mundele, ma déus. Nick Mozart à ma déus. Allez, donnez-moi des ous. Moi je suis bipède, car je marche debout. Toi t'es un bipède, car tu suces par les deux bouts. Ils se firent niquer tabasser, car ils juste parlaient de nous. On rendra les coups, par les coudes, par les genoux. Je préfère un pack à tout qu'à rien, plutôt qu'un catarien qu'à tout. À part mon slip, personne ne me tient par les yoku. Attention la bagarre, une cagoule sur un babtou, il devient noir. Fini le château de ma mère et la gloire de mon père. Aujourd'hui c'est un glaive sur la chatte à ma gloire. Allez serre-moi à boire, un bon truc qui décrasse. Joue pas la star grosse te pute, à l'arrêt du cul qui dépasse. Moi je m'arrête plus, je vais te faire mal au cul, tu pourras plus t'asseoir. Mal au tru avec grosse graine de cafard, mieux vaut être pilier de mosquée que pilier de comptoir. On vend de la neige mais c'est pas l'hiver. On met des gants mais c'est pas l'hiver. Y'a ce coloré, coloré, coloré, coloré, coloré, coloré. Gros bonnet mais c'est pas l'hiver. On vend de la neige mais c'est pas l'hiver. On met des gants mais c'est pas l'hiver. On fait du ski à Dubaï mais c'est pas l'hiver. On vend de la neige mais c'est pas l'hiver. On met des gants mais c'est pas l'hiver. Y'a ce coloré, coloré, coloré, coloré, coloré, coloré. Gros bonnet mais c'est pas l'hiver. On vend de la neige mais c'est pas l'hiver. On met des gants mais c'est pas l'hiver. On fait du ski à Dubaï mais c'est pas l'hiver. Un noir qui saigne, c'est le Mirace. Un blanc qui saigne, un Mike. C'est celle qui est con, j'suis dans le bendo. Bendo Capendo, dans la surface comme un drill, Jeff Tenko. J'ai J'ai RDV avec une chienne, dorénavant j'suis le veto. La bite en I, mes couilles frottent à pavé. Ils ont violé mes ancêtres, donc j'suis marron comme le mafé. Quand on part à la chasse, bendo. On tire sur le lieu. Un tatouage sur la chatte, ouais. Je vais lire sur tes lèvres. Nous on sort du zoo, des 80 mètres carrés. Sont même pas ronds, et ils rachent de nous car on est carré. J'ai vu la rage de tous ces haineux, ouais. À travers leurs vis et leurs prunelles, ouais. Mon opticien avait tout compris, ouais. M'a prescrit un fusil à lunettes. C'est nous les bagarreurs, sponsorisés pour baiser des mères. La vie mène en bâton, dorénavant j'ai le mal de mer. Pardon, bébé, j't'ai pas trompé, je suis pas comme ça. J't'assure, j'ai pas touché. Quand on l'a fait, j'ai fait sans les mains. On vend de la neige, mais c'est pas l'hiver. On met des gants, mais c'est pas l'hiver. Yas coloré, coloré, coloré, coloré, coloré, coloré. Gros bonnet, mais c'est pas l'hiver. On vend de la neige, mais c'est pas l'hiver. On met des gants, mais c'est pas l'hiver. On fait du ski à Dubaï, mais c'est pas l'hiver. On vend de la neige, mais c'est pas l'hiver. On met des gants, mais c'est pas l'hiver. Yas coloré, coloré, coloré, coloré, coloré, coloré. Gros bonnet, mais c'est pas l'hiver. On vend de la neige, mais c'est pas l'hiver. On met des gants, mais c'est pas l'hiver. On fait du ski à Dubaï, mais c'est pas l'hiver. C'est la Nocturne, c'est 100% rap français. C'est monsieur Seb Gecko au micro avec nous. Bendo na bendo. Eh oui, ce morceau Homme des Neiges avec monsieur Niscatra. Bendo na bendo. Voilà, mais la neige arrive bientôt, donc le morceau ne sera plus de circonstance. C'est vrai qu'il y a un cahier là. En Thaïlande, il n'y a pas de neige, donc. Voilà. Donc, par contre. De la neige, mais c'est pas l'hiver. Allez-y, en plus, au mois de décembre, vous retrouverez décembre, janvier, février, vous retrouverez sûr et certain Seb Gecko dans son bar. Et Niska en janvier aussi. Et Niska qui débarque aussi en janvier, voilà, exact. On va faire des petites dingueries là-bas. Niska, on l'avait dit, voilà, qui fait partie de. Venez à Phuket, c'est été, les mecs, puisque c'est pendant l'hiver en France et l'été en Thaïlande, il y aura que des dingueries, que du peura, tout lourd. Ouais, peut-être pas mal aussi de voyager en ce moment, d'aller voir, d'aller ailleurs. Respirer, d'aller voir d'autres images, d'avoir d'autres vibes. Bangla Road, c'est Planète Rap, mon pote. Bon, et ben écoute, peut-être que j'y passerai aussi. Donc, on a un coffret aussi, il reste quelques box qu'on avait fait collector avec un t-shirt et ça, c'est à 20 euros. Voilà, je voulais juste prévenir les auditeurs s'ils ont envie de se s'appeler à l'oubar. Allez-y. On est reparti avec un morceau donc qui s'appelle Joey Star Remix. Ouais, ce vrai Joe est complètement gangster. Tu veux nous expliquer pourquoi il s'appelle Joey Star Remix celui-ci? Parce que je suis en train de me faire des chicots en or, je suis tatoué, je suis complètement bousillé de la vie comme ce sacré Joey. Et Joey que t'as écouté aussi forcément beaucoup plus jeune et qui a dû te marquer aussi. Bah ils avaient fait un album, j'ai envie de te dire précurseur, Paris sous les bombes. Oui, hein. C'est vrai, ouais. Il y avait Paris sous les bombes en effet. Bon, c'était les bombes de peinture, à l'époque. Ouais. À l'époque, c'était les bombes de peinture. Non, mais lourd, Joey, j'aime bien sa carrière, ce qu'il a évolué, c'est un personnage atypique. Tout ce que j'aime, quoi. Des mecs qui ont de la gueule. Allez, on balance ce morceau. C'est Seb Gecko au contrôle de la Nocturne. Nique ta mère comme Joey Star, cousin. Planète Rap. 100% rap français. Seb Gex. Sans-toi l'homme au Tchex. Chico en or, comme Joey Star. J'suis recouvert de tatouages de loupard comme Joey Star. J'serai nominé au César comme Joey Star. J'suis dans les faits divers, j'me nique ta mère comme Joey Star. Joey Star, Joey Star. Joey Star, Joey Star. Buenos dias, on m'appelle le démon pneu, pas besoin d'aller au Midas. C'est le flow du glaive à l'Onidas. MC Poucaf, keuf, tout le monde y passe. Je fais ce que je veux, j'ai le permis de chasse. Protégé, les oreilles chassent. Si les femmes ont des jambes, c'est pour pas laisser des traces comme les limaces. Cache les noix, voilà l'URSAF. L'enfer remonte à la surface. Chaque matin, j'ai la tête dans le cul. Heureusement que j'ai pas la chiasse. Tu connais le dicton, ma couillasse. Une de perdue, 10 de retrouvée. On va te la mettre si profonde que même Christophe Colomb ne pourra pas la retrouver. Non, ce n'est pas la gueule, elle a Dieu d'eau. C'est la taille du chibro comme la trompe à deux mots. T'as mal au chico, soigne-toi par la widow. T'as pas de Z, la jette-toi par la window. MC crache pas sur la Twingo. Tu ne rouleras pas en féfé. Ma bite est un chèque que ta schneck ne pourra pas encaisser. Chico en or, comme Joey Star. J'suis recouvert de tatouages de loupard comme Joey Star. J'serai nominé au César comme comme Joe Star. Je suis dans les faits divers, je te nique ta mère comme Joe Star. Joe Star, Joe, Joe, Joe Star. Joe Star, Joe, Joe, Joe Star. Joe Star, Joe, Joe, Joe Star. Joe Star, je suis comme Joe Star. Hipster, tu frôles la mort si je t'effleure. Je paye pas les buts, disons que je leur donne l'argent pour acheter des fleurs. Mes punchlines déflorent des orichas de petites sœurs. Personne ne croit tes histoires de mythos de remixeurs. C'est le bimbo, un corps qui casse le crâne, Paul ou sous Leader. Je me questionne, j'aimerais vraiment savoir la somme du fric et de Michton. Comme j'aimerais vraiment pas sentir la laine d'un rôdeur, ni l'odeur des chaussettes à Daryl, encore moins celle du street de Michonne. C'est Smith qui fait une passe à Wesson, qui centre et qui tire. Jack Dada comme élixir, bande de moutons, c'est la idée le kibir. L'instru, je lui casse la tirelire, nique le triple K et le Massachusetts. J'envoie mes tweets et mes messages en live en direct d'un Massachusetts. Chico au nord, comme Joe Star. J'suis recouvert de tatouages de loupard comme Joe Star. J'serai nominé au César comme Joe Star. J'suis dans les faits divers, j'te nique ta mère comme Joe Star. Joe Star, Joe, Joe, Joe Star. Joe Star, Joe, Joe, Joe Star. Joe Star, Joe, Joe, Joe Star. Joe Star, j'suis comme Joe Star. Planète Rap, 100% rap français. Je consomme, c'est la drogue tout ce que je consomme. Je m'arrêterai pas même s'il gong sonne. Je m'arrêterai pas même s'il gong sonne. Je vois les jaloux qui complotent. Je vois les jaloux qui complotent. Al Capote les réduit en compote. Je les réduis en compote. C'est pour de vrai et c'est réel. C'est pour de vrai et c'est réel. Je suis venu séduire ta tourterelle. Je suis venu séduire ta tourterelle. Je vous détruis comme les tours jumelles. Je vous détruis comme les tours jumelles. J'éjacule 2-3 gouttes de miel. J'éjacule 2-3 gouttes de miel. Des empereurs, des impératrices. Des empereurs, des impératrices. Tous égarés dans la matrice. Tous égarés dans la matrice. J'te braque avec une âme factice. J'te braque avec une âme factice. Je vole le vélo de la factrice. Je vole le vélo de la factrice. Tu rap mais ton projet ne sort pas. Tu rap mais ton projet ne sort pas. C'est la guerre où sont mes soldats. C'est la guerre où sont mes soldats. J'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours fonctionné comme ça. C'est comme ça que ça fonctionnera. Comme ça que ça fonctionnera. Mec c'est comme ça que je fonctionne. Mec c'est comme ça que je fonctionne. Mec c'est comme ça que je fonctionne. Mec c'est comme ça que je fonctionne. Mec c'est comme ça que je fonctionne. Mec c'est comme ça que je fonctionne. Mec c'est comme ça que je fonctionne. Mec c'est comme ça que je fonctionne. Mec c'est comme ça que je fonctionne. Mec c'est comme ça que je fonctionne. Mec c'est comme ça que je fonctionne. Mec c'est comme ça que je fonctionne. Mec c'est comme ça que je fonctionne. Mec c'est comme ça que je fonctionne. J'aime trop le soleil. J'aime trop la life. C'est la perte de sommeil. Que dalle et au taf. Ma femme de ménage est bonne. C'est pas un pléonasme. Mon rappelé au bonhomme. Ton rappelé au tas. Punchline au plutonium. J'prends le rap en otage. Pas de bague à zirconium. Pas de bague quand on passe. Fini les cages d'escalier et les plaquettes de hache détaillées. On veut des plages, des palmiers, croquer la vie à pleine dents carrées. Je blanchis mon argent, je noircis mes pages de cahier. Ouvre le punch, j'arrive avec tout le quartier sur les calpiers. Les rappeurs jouent les princesses, le game sans bourgeoise. T'es réduit en charpiste, tu tombes sur charpier au tribunal de Pontoise. Mec c'est comme ça que je fonctionne, mec c'est comme ça que je fonctionne. Mec c'est comme ça que je fonctionne, mec c'est comme ça que je fonctionne. Mec c'est comme ça que je fonctionne, mec c'est comme ça que je fonctionne. Mec c'est comme ça que je fonctionne, mec c'est comme ça que je fonctionne. Mec c'est comme ça que je fonctionne, mec c'est comme ça que je fonctionne. Mec c'est comme ça que je fonctionne, mec c'est comme ça que je fonctionne. Mec c'est comme ça que je fonctionne, mec c'est comme ça que je fonctionne. Que les poupées soient pas dégoûtées. Elles veulent me marabouter. Elles veulent me grigibouter. Marger des couplets. J'pense qu'à cracher des couplets. J'aime voir mes billets s'accoupler. Faire de petits billets, faire de petits bébés. Y'a pas de prostituées, que des femmes qui travaillent. J'ai du shit dans le slip. Donc les couilles on s'emballe. Les couilles on s'emballe. Et ouais ma caille on s'emballe les couilles. Vodka Red Bull. On boit pas de l'épaule. Je plane comme à Euro Disney. Je plane comme à Euro Disney. Je vais devoir couper le robinet. Je vais devoir couper le robinet. Allez les mecs rembobinez. Allez les mecs rembobinez. L'État vous a endoctriné, l'État vous a endoctriné. C'est comme ça que je fonctionne, mec, c'est comme ça que je fonctionne. Mec, c'est comme ça que je fonctionne, mec, c'est comme ça que je fonctionne. Mec, c'est comme ça que je fonctionne, mec, c'est comme ça que je fonctionne. Mec, c'est comme ça que je fonctionne, mec, c'est comme ça que je fonctionne. Mec, c'est comme ça que je fonctionne, mec, c'est comme ça que je fonctionne. Mec, c'est comme ça que je fonctionne, mec, c'est comme ça que je fonctionne. Mec, c'est comme ça que je fonctionne, mec, c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je fonctionne. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Les flics, je les aime pas, c'est triste car il en faut. J'en ai plus rien à branler, comme un manchot. Chez nous la vengeance n'est pas un plat qui se mange froid, mais plutôt un blaire qui se mange chaud. Un homme avec du ventre c'est ingrat, donc je fais des abdos. Prouve-moi ta virginité avec un drap. Technique ancestrale, caravane flamenco. Je porte de l'or comme un inca, tatoué comme un sacramento. Je te fume et je te fais jouir avec un doigt. Si tu la ramènes trop, ta chatte a une gâchette. Mon flingue un clito, achète, je veux tirer un coup. Achète du framéto, la rime est casse-tête. Je vais briser un coup, j'ai les crocs. Fin de loup, Kenavo, fin de vous à bon entendeur. Je suis pas une petite baltringue du rap contender. Je me déchire le casque comme Bender, le Futurama. J'attendrai pas le prophète sur Twitter pour suivre la Nick Suna. Ta mère, t'auras des Nike Air, Nick ou Mou, t'auras des Reebok. Soulève des meufs, soulève des haltères. Chant de boîte, complète mon capuche. Je me barre en taille avec Égypte. Rester en France, c'est pas que ça qu'à foutre. Nick ta mère, t'auras des Nike Air, Nick ou Mou, t'auras des Reebok. T'as la bouche pleine de muspère, normal du rap, tes textes en yaourt. On arrive comme des bouquets, on tient terre, terre pavée. Et la route, ni ta mère t'auras des Nike Air, ni pour nous t'auras des Reebok. Ni ta mère t'auras des Nike Air, ni pour nous t'auras des Reebok. Pour l'aura, le flow, patate de rinfo. Zaria est en cloque, c'est une intox ou c'est une info. Cash flow, hors taille, sale con. J'passe pas les portails comme Jonah Falcon. Pour info, les catoïs, nous on mange pas de ce pain là. C'est quoi j'préfère encore que tu crois au poteau, passe-moi le sopalin. J'marche avec une poignée de potes, c'est mes hommes demain. T'as fait la pute aujourd'hui, sois un homme demain. Ouais j'suis mort de faim, baby brown sugar. Je vais faire de la boucherie comme le docteur mort chez des cougars. J'ai plus rien de choucard, j'suis dans le fichier canon. Mi d'ange, mi démon, alors qu'enfant j'étais qu'un ange. Phalange tatouée, cicatrice designée, instru, cisaillé. Punchline, ça fait 10 années. Alcool pour le petit déjeuner, comme en Ille-et-Vilaine. J'aime pas Vincent McDoom, il est vilain. Nique ta mère, t'auras des Nike Air, nique ou mou, t'auras des Reebok. Soulève des meufs, soulève des haltères. Chant de boîte, complète mon capuche. J'me barre en taille avec Égypte. Rester en France, c'est pas que ça qu'à foutre. Nique ta mère, t'auras des Nike Air, nique ou mou, t'auras des Reebok. T'as la bouche pleine de muspère, normal tu rap tes textes en yaourt. On arrive comme des bulldozers, on tient terre, terre pavée et la route. Nique ta mère, t'auras des Nike Air, nique ou mou, t'auras des Reebok. Nique ta mère, t'auras des Nike Air, nique ou mou, t'auras des Reebok. C'est la nocturne, c'est 100% rap français. Ce morceau Bulldozer à l'instant. Aïe, ça c'était un petit classique de Bad Cowboy de mon album. J'avais envie de le mettre. Bulldozer, c'est ce qu'on écoutait, extrait ça de Bad écrase Cowboy. Tout, voilà. La nocturne 100% rap français avec Seth Gecko, notre invité. Ce soir encore, pour aller pendant quelques minutes encore, on va partir pour une session coiffée maintenant, c'est ça hein. Ouais, un petit côté Latin Lover de Seth Gex. On va mettre quoi? Un morceau de l'album extrait la meuf du moment avec Misa qu'on salue d'ailleurs. Ouais, grosse dédicace à lui. Notre ami canadien. Voilà, Québec, nom d'une couille de caribou. Tabernacle. Tabernacle. On va écouter ce morceau, puis après, c'est quoi les deux? C'est tout ce que j'ai fait aussi dans la même lignée. Toxic, SDDD Girl. Voilà, moi je sais parler aux femmes. Allez, c'est parti, Seth Gecko dans la nocturne 100% rap français. La meuf du moment, tous les mecs rêvent de t'ken pour 3 ou 4 semaines. T'es la meuf du moment, c'est la meuf du moment. Personne n'avait remarqué, soudainement au quartier. C'est la meuf du moment, c'est la meuf du moment. Bébé, t'es trop fraîche, t'es trop clean. Pas de poils, pas de microbes, donc j'aime les meufs qui s'épilent. T'as les yeux qui scintillent comme deux pépites d'or. Tu m'empêches de m'endormir, tu bois déjà chez Baby Dior. T'en veux encore, t'as cru qu'hier j'étais deux. Donc tu me vouvoies et me dis merci messieurs. Je fais ce que je peux, je fais ce que je veux. Si tu me rends dingue, je sors le flingue quand tu veux. Le sèche-cheveux, méga la veule, méga l'auron. Elle est petite sirène, je suis mégalodon. J'suis macho, j'sais que c'est vilain. Mais on n'est jamais mieux au chaud que dans un sexe féminin. Moi barbare, comme Conan. Toi retirer beuge du collant. Toi dépenser thune pour meuf du moment. Moi faire muscu pour être le bœuf du moment. C'est la meuf du moment. Tous les mecs rêvent de t'ken pour 3 ou 4 semaines. T'es la meuf du moment. C'est la meuf du moment. Personne n'avait remarqué, soudainement au quartier. C'est la meuf du moment. C'est la meuf du moment. Sur la tête de ma mère, c'est un son gros cul les rend fou. Gros, il faut que je gère, car tout le monde parle d'elle tout d'un coup. C'est une question de temps. Ils vont oublier ton dossier, je te jure, voilà. Impossible parler de son boule sans être grossier. Ils parlent trop mais ils ont aucune logique. 6 mois de tchatcha avant de la baiser. Après ils se vantent entre eux. Mais c'est pas parce que tu ken que t'es une tasse pé. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Viens par ici, on va prendre soin de toi. Les écoute pas, les écoute pas. Ils sont sur ton cas. C'est la meuf du moment. Tous les mecs rêvent de ken pour 3 ou 4 semaines. T'es la meuf du moment. C'est la meuf du moment. Personne n'avait remarqué, soudainement au quartier. C'est la meuf du moment. C'est la meuf du moment. C'est la meuf du moment. Tous les mecs rêvent de ken pour 3 ou 4 semaines. C'est la meuf du moment. C'est la meuf du moment. Personne n'avait remarqué, soudainement au quartier. C'est la meuf du moment. C'est la meuf du moment. You know me, serre-moi un verre de clan Campbell Naomi. J'aime les femmes grandes, belles et encore plus si t'as omis. Mettre une culotte comme Mallory, mettre la dentelle et toute la panoplie. Viens sous la couette, perdre des calories, j'ai la charge d'un macaroni. Veux-tu t'appeler Madame Salvadori? Viens on se casse, on se barre au ski. Je vais te voler tes yeux chez Swarovski. Signe de croix, Jésus-Christ, je vais te braquer ton cœur comme une bijouterie. Chérie, tes bottes, tes fraîches, montre nous tes compétences de sexe. Cherche pas à savoir tout ce qu'on dépense de fraîche. Si on bouge ensemble, fais pas une conférence de presse. L'ambiance est de gay sexe, fais-moi sortir de mon check. Chérie, tes bottes, tes fraîches, montre nous tes compétences de sexe. Cherche pas à savoir tout ce qu'on dépense de fraîche. Si on bouge ensemble, fais pas une conférence de presse. L'ambiance est de gay sexe, fais-moi sortir de mon check. Rappelle-moi ton prénom et suis ta pinko. Je l'ai sur le bout de la langue comme un clito. Sexto, resto, de surcroît. Demande à la femme à Rocco quand on aime, on mesure pas. J'en fais jouir deux sur trois, fontaine avalanche. J'sais déjà à quoi tu penses, j'ai un arrière-train d'avance. J'vis là où tu passes tes vacances, demande à mes ex. L'anagramme de cette gex, c'est Texas. Chérie, t'es bonne, t'es fraîche, mon compte tes compétences de sexe. Cherche pas à savoir tout ce qu'on dépense de fraîche. Si on couche ensemble, fais pas une conférence de presse. L'enfant c'est thug et sexe, fais-moi sortir de mon check. Chérie, t'es bonne, t'es fraîche, mon compte tes compétences de sexe. Cherche pas à savoir tout ce qu'on dépense de fraîche. Si on couche ensemble, fais pas une conférence de presse. L'enfant c'est thug et sexe, fais-moi sortir de mon check. Je vais et je viens, entre terrain comme une vague. Gucci, Versace, j'ai l'embarras du swag. Pro 1, c'est comme des airbags dans le hashtag. Laisse-moi Instagram et ton boule dans mon iPad. Viagra, Camagra, cheval de Camargue. Je recherche une surfeuse pour qu'elle reste avec moi quand je suis dans le creux de la vague. Et même si j'aime les blagues de Bigard, le rap de billard, range ta queue et tes boules, les femmes c'est pas des tables de billard. Chérie, t'es bonne, t'es fraîche, mon compte tes compétences de sexe. Cherche pas à savoir tout ce qu'on dépense de fraîche. Si on couche ensemble, fais pas une conférence de presse. L'enfant c'est thug et sexe, fais-moi sortir de mon check. Chérie, t'es bonne, t'es fraîche, mon compte tes compétences de sexe. Cherche pas à savoir tout ce qu'on dépense de fraîche. Si on couche ensemble, fais pas une conférence de presse. L'ambiance est thug et sexe, fais-moi sortir de mon check. La Planète Rap Nocturne sur Skyrock. Nocturne. Tire-moi une balle si je vois tes peines. Je te le dis en langue de feu, je veux tes femmes. Je veux ta vie, je veux tes veines. Je te le dis même en javanais, j'aveux ta peine. Moi I love you. Y'a tibial you brio. Monte dans ma bohème de Bellew. Moi un méo. On me dit que l'amour est l'arméo. Fais-moi des miaou, miaou. Me casse pas les valseuses comme Miu Miu. Me casse pas les joyeuses, je suis mis en milou. Pomme la cool. Je me la coule dur, je me la colle pur, j'aime l'alcool. C'est moi Sky, ne sois pas con. Bonnie, Clyde, je jure qu'on sera con. Réserve une suite au Sheraton. Chérie, j'arrive, je viens, je mets la gomme. J'aime quand tes mains m'effleurent. J'aime les flingues et les fleurs. Je me sens seul, j'ai besoin d'une âme sœur. J'ai besoin d'une CDDD. J'aime quand tes mains m'effleurent. J'aime les flingues et les fleurs. Girl, je me sens seul, j'ai besoin d'une âme sœur. Viens réchauffer le hustler. Sexy lady, Nalingi ou Mingi. On sera comme Lil Kim et Biggie. Je te fais voir mon Gigi et sa gâchette. En cachette, l'on a 5 à 7. Que tu protèges des prothèses PIP. Je te dis même en bamba et en soulinké. Niamoula pissé. Je préfère une bière qui fait pisser qu'une femme qui fait chier. Je vais te faire vivre un véritable conte de fées. Fais la vaisselle, fais les courses, fais à manger. Fais-moi l'amour avec volupté. Elbrick, volupté. Si tu mets des loups bougat à moi, ça me botte. Minya Kelida Amout. Seni, Sevillorum. Les mecs, le loup est dans la cour, surveillez volume. J'aime quand tes mains m'effleurent. J'aime les flingues et les fleurs. Je me sens seul, j'ai besoin d'une âme sœur. J'ai besoin d'une CDDD. J'aime quand tes mains m'effleurent. J'aime les flingues et les fleurs. Girl, je me sens seul, j'ai besoin d'une âme sœur. Viens réchauffer le hustler. Chérie, si t'as un cœur, donne-moi-le. J'te le dis même en Wolof, Nopnale. Ti amo, t'es quel camo toutes. J'espère seulement que tu n'es pas comme toutes. Aucun doute, l'amour paralyse mon cœur. Donne-moi ton cours, j'en analyse l'odeur. Qui a vu ici un latin lover? Je veux pas qu'on tienne par les couilles comme Karadine. L'horreur du biche, ça sonne malich les bidiches. On sera l'équivalent des Beckham chez les British. T'as les yeux qui se plissent, laisse-moi célébrer tes cuisses. J'ai pas fait le tour du monde pour un French kiss. Mais pour qu'on s'essaye, que je t'essaye, tu m'essayes. Qu'on fasse du shopping sexuel pour que tu ruisselles. Je trompe pas ma femme, hey. Je me trompe de femme, c'est pas pareil. J'aime quand tes mains m'effleurent.

C'est le 4 décembre la sortie, la réédition de l'album Feu avec des titres inédits. On écoutait à l'instant Plume, la nocturne 100% rap français. Ça a débarqué cette semaine. Le nouveau son de Lefa, 20 ans qu'on écoute maintenant. Lefa, on attend ça pour fin janvier 2016 dans les bacs. Je n'ai pas attendu qu'on me dise va-t'en. J'ai pris de l'âge, n'ai plus 20 ans. Le succès, ça ne dure qu'un temps. Je suis parti avant qu'on me dise va-t'en. Je n'ai pas attendu qu'on me dise va-t'en. J'ai pris de l'âge, n'ai plus 20 ans. Le succès, ça ne dure qu'un temps. Je suis parti avant qu'on me dise va-t'en. Je n'ai pas attendu qu'on me dise va-t'en. À cette question, le fa, pourquoi t'es parti? Sais-tu ce que c'est que d'avoir un cœur qui se divise en deux parties? La musique, je suis tombé dedans depuis tout petit. Tu sais, quand on te dit que t'as du talent, t'as les yeux qui pétillent. Et plus t'avances et plus tu te rends compte de ce que tout ça implique. T'as des valeurs, t'as des principes, mais est-ce que tu les appliques? Sur une piste noire à bosse, ma vie est remplie de paradoxes. Et puis la mort n'envoie pas de courrier de préavis par la poste. Tiraillé, dans ma tête c'est le foutoir. J'entends des types brailler, je crois que je suis mon pire allié. Trop d'éloges, trop de fleurs, faut que tu redescendes, redescends. Tu vas finir par te croire au-dessus des gens. Ça me fait peur, ça me fatigue, les fanatiques. Moi tout ce que je voulais c'est qu'on dise putain, Fally Kick. Je voulais pas qu'on m'aime à ce point, je te jure, j'en demandais pas tant. Le succès ça ne dure qu'un temps, c'est pour ça que je n'ai pas attendu. Qu'on me dise va-t'en, j'ai pris de l'âge, n'ai plus 20 ans. Le succès ça ne dure qu'un temps. Avant qu'on me dise va-t'en. Je n'ai pas attendu qu'on me dise va-t'en. Je suis parti avant qu'on me dise va-t'en. Va-t'en. Va-t'en. Va-t'en. Tu sais, le succès est une médaille qui a son revers. Un revers qui te met au sol, après c'est dur de se refaire. On m'a dit Fall, tu t'en fous, ouais je prends ton blé. Tourner des zéniths, on a besoin de sections au grand complet. Mais si vous saviez comme ma poitrine était encombrée. J'étais incompris, pris pour un compresque. Et beaucoup rêvent de célébrité. Dire au public, sortez les briquets. Mais y'a aussi ce que les gens ne voient pas. Si j'avais su, j'serais resté dans ma chambre rappé à voix basse. Et quand je me retrouvais seul, je me demandais souvent comment les gens peuvent être aussi décevants. Combien j'en ai vu s'improviser pote. Comme on synchronise l'iPod, ça symbolise l'époque. Et les gens diront toujours c'était pas tant. Mais le succès ça ne dure qu'un temps. C'est pour ça que je n'ai pas attendu qu'on me dise va-t'en. J'ai pris de l'âge, n'ai plus 20 ans. Le succès ça ne dure qu'un temps. Je suis parti avant qu'on me dise va-t'en. Je n'ai pas attendu qu'on me dise va-t'en. Je suis parti avant qu'on me dise va-t'en. J'ai pris de l'âge, n'ai plus 20 ans. Le succès ça ne dure qu'un temps. Je suis parti avant qu'on me dise va-t'en. Planète Rap 100% Explicit Lyrics. À tous nos proches, à tous nos proches, nos frères, nos sœurs, nos frères, nos sœurs qui nous ont quittés, qui nous ont quittés, qui nous ont quittés. Un hommage à eux, un hommage à eux, un hommage. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend, c'est Dieu qui... On meurt qu'une fois. Moi aussi j'ai perdu des frères, perdu des frères, perdu des frères. Moi aussi j'ai perdu des sœurs, perdu des sœurs, perdu des sœurs. J'ai les bras tendus au ciel, j'observe la lune et je suis seul. Pensez à nos proches, à nos proches partis trop tôt. Ce que la race humaine n'est qu'un, sors plus jamais sans l'odo, sors plus jamais sans l'odo. Nostalgique de ce qu'on a vécu dans le passé. J'ai cette larme qui veut sortir mais je reste de fer. Et si je pouvais te revoir ne serait-ce qu'une fois, je te serrais fort dans mes bras, aussi fort que je t'aimais, que je t'aime mon frère. On avait peur de rien ni personne, on s'est forgé dans la trière. T'étais plus jeune que moi, toujours plus assidu dans la prière. T'avais toujours le sourire en amitié, tu savais prier. T'as mis le pied à l'étrier, t'as pris la vie par la crinière. Et tu gardais le silence quand on nous mettait les menottes. Tu veillais sur mes sœurs et je veillais sur les tiennes. J'ai les bras tendus vers le ciel, tu savais comme tu me manques. Je me rappelle de tout ce qu'on a partagé comme si c'était hier. T'as vu mon étoile scintiller lorsque j'étais dans la pénombre. Tu n'as pas pu me voir.

panique, anarchie, marche et de faire pas libre. On ferait père et mère inconsolable. Inconsolable. Inconsolable. Inconsolable. Bloqué entre quatre murs. Quatre murs. Coincé sur la A7. On pense à vous, ça va. C'est le S. Contre. Motherfucker. Rien sans le time. Rien sans le time. Ils ont compris que la caille c'était rien sans le time. Rien sans le time. Rien sans le time. Compris que la caille c'était rien sans le time. Au frais de père, MR, insolvable. C'est à peut-être intérimaire, insortable. Se lever pour mille de ces insultants. Ils ont compris que la caille c'était rien sans le time. Je recherche mes limites. Là je gorge du rap sous mon gilet. Personne te sauvera, car toi dans le cul t'en as pris des. Je peux pas perdre une minute. Bouton laisse remplir la palette. J'en ai remis du. J'ai qui prieront leur dieu. Bon, je vais plonger leur tête dans ma cuvette. J'ai pas pris la main. Oh oui. Dans vos oreilles et vos culs. Ah ça. J'suis sur le rendez un autre. Vini, Vigi, Vici. J'en ai remis du. Motherfuck. C'est le S, Gortu. J'ai pas pris la main. Jeezy. Disney. Ah ouais. C'est le rap. Nouveau son de Rof, ça arrive le 4 décembre dans les bacs avec Hawaii Mani. La brebis n'est pas galeuse, le loup est trop busy. La go à cœur sur la main, le gros à main sur Uzi. Vengeance mange froid comme ses plats qu'elle me cuisine. Et les moisses comme Cendrillon dans les bras de Jacques Mesrine. La vie je l'aime belle et sans fond de teint. Je suis pas un saint et je m'appelle pas Valentin. Je suis pas ce vieux gars qui aime tout raconter. C'était pas le type de relation escomptée. Mais sur moi tu peux compter. Tu veux me quitter? Avion de chasse de perdu, 10 de piloté. Trop de touches noires et blanches à pianoter. Tu rêves comme de fées, je suis en club fort pour router. Ta main tient montée pour t'avoir fait poireauter. Bijoux, ne comble pas tes absences toute la night. Oh yeah. Un bisou, ne couvre pas tes disquettes toute la night. Oh yeah. Faut-il que tu t'en ailles? Faut-il que je m'en aille? Faut-il que tu t'en ailles? Faut-il que je m'en aille? Renfolle, ton amour m'étouffe. T'es toujours mauvais poil, j'en ai toute une touffe. Toi, je culpabilise quand tu souffres. Fais doucement l'amour, un sentiment que je découvre. Yeah, elle est le maman, repose pas sur tes acquis. Tu sais pourquoi elles font du squat et se maquillent. Arrête tes batteries, quand je n'ai plus de batterie. Comme Gilbert Montagné, on va s'aimer, mais en psychiatrie. Tu peux faire fiance con, mais je te dirai pas tout. Pourquoi être polygame si t'es bonne de partout? Je sais ce que tu me gâches au fond, j'ai touché le bout. Pour cette parure que je fasse briller ton cou. Des bijoux. Des bijoux, ne comble pas tes absences toute la night. Toute la night. Oh yeah, oh yeah. Un bisou, un bisou. Ne couvre pas tes disquettes toute la night. Toute la night. Oh yeah. Faut-il que tu t'en ailles? Faut-il que je m'en aille? Faut-il que tu t'en ailles? Faut-il que je m'en aille? Trop de fierté entre nous. Belle fille. Belle fille, baby girl, j'ai du goût, j'aime la belle fille. J'aime la belle fille. On peut être zap même en Ferrari. J'accélère. T'es bingo, me boycottes parce qu'elle t'envie. Elle court après les stars, je marche sur leurs pieds des stars. Là, si je te fais enfant, ton beat prendra la forme d'une étoile. On crève l'écran, elle et lui crève l'entale. Je t'envoie des fleurs tant que tu n'en perds pas les pétales. Je suis qu'un homme, te prends pas la tête, t'y va. Au turquoise, bungalow, voyage jet privé. Y'a pas photo, j'ai recadré mon objectif. Et te tirer vers le haut, je dois bosser être productif. Des bijoux. Tes absences toute la night. Oh yeah. Un bisou. Ne couvre pas tes disquettes toute la night. Oh yeah. Faut-il que tu t'en ailles? Faut-il que je m'en aille? Faut-il que tu t'en ailles? Faut-il que je 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. C'est le musée de Komoko. Eh wow. L'Algérien, la crème. Ah, 9-4, la crème de la crème. La crème. Hey, t'es con quand tu te réveilles, 9-4. J'ai dépassé la ligne d'arrivée. Là où on rentre, Chico, ton cerveau n'arrive même pas à le rêver. Arrête de plaindre, gros, pourquoi tu gesticules? Des mecs comme toi, je les ai dans mes testicules. Si tu nous baises, toi tu raides. Dans le 9-4, c'est naturel, frérot. Je prends ta caisse et je la rentre dans le mur. Seule fois que tu passes, je te la repaye en pire. La rue la veille, des pertes d'appétit. Et ça pue les banques où l'on avec la tétine. C'est pour les bonhommes avec qui j'ai grandi. Qui vous diront qu'on n'est pas des monteurs. La haisse, les couilles, les liasses, les douilles. Le star, la foule, braqueur et vendeur. Ouais mec, belleg, ok tu fais confiance. Frérot, avance sans faire de bruit. Regarde mon chien, je lui donne à manger. Même avec la muselière, je suis pas sûr de lui. Pas sûr de lui. La moitié du game est passé dans le lit. Ne vois-tu pas frère qu'ils s'entre-sucent. J'ai des potes qui meurent, vous me parlez d'ennui. J'pense du bébé gros, pourquoi m'embêter. Je te laisse partir de la tête, j'allume ta mère à bébé. Tu sais mon bébé, on tourne en GP. Et s'il y a des affaires, tu sais que je paie. Pourquoi me contredire, des sacs à remplir. Ta guerre c'est celle du niche contre l'autre empire. Sale fils de putain, j'ai qu'il y en a putain. Quand tu butes la chatte, moi tu portes le boutin. Pas de cours de récré dans l'école de la street. Ils n'ont foutu la merde que dans leur slip. C'est ROH de guerre featuring la crème. Tu peux traire nos couilles, c'est la crème de la crème. C'est quoi? C'est la crème de la crème. C'est la crème de la crème. C'est la crème de la crème. C'est la crème de la crème. Des sous-produits, tu veux avaler. Toute la nuit, l'été, ils vont défiler. Sommet de la street, toutes les crapules à l'écoute, même les schmettes. Album aussi, j'écharque un entrepôt de shit. Théorie de padré, pratique de caïd. Je supporte la vue du sang et gorgère de la hit. Finisse invalide, pour café je valide. Je fais du sale proprement, jamais à la va vite. Je prends 3-4 baveux, si je craque je t'allume. On sera molli, pas sale, bouge pas, on s'assume. Je fais l'ouki à l'itchine, intègre les humains. Sous la charia, baisse mes pieds, j'aurai plus de main. Tu te moquais de moi, je dors mes cohorts sans thune. Trop aimé, m'achète des dislikes sur YouTube. Trop tuer les gros culs dans la nature me perturbe. Les petits font du sage, fais le ménage et des tubes. AK-47 dans une bouche, j'ai déjà fait. Mort pas la main qui t'a nourri et pas fait. J'suis en fait, eux en charrette. Avant de faire péter mes couplets, gros et charrette. J'ai vendu barrette, maintenant signe des gros chèques. Apprends argent au black comme beurrette, scène des gros schnecka. Yeah, my nigga, my fait nigga. Ces traites me regrettent, j'ai du caviar dans mon grec. Tigri tigri checka, j'pardonne mes tassos. Leur donner une deuxième chance et donner une deuxième bastos. Les matons dans la poche, nigri cross. Grâce à ton numéro de sécu, on te lève comme un cross. Mes premiers coups. Cross, tu portes tes couches plein de pisse. BFM m'attend, vole pas les justice. Je vais tout retourner comme en 46. Tes soeurs détournées comme les 30 C au 36. Personne m'empêchera de manger. Attention danger, le feu m'a forgé. Pas de cours de récré dans l'école de la street. Ils n'ont foutu la merde que dans leur slip. C'est ROH de guerre featuring la crème. Tu peux traire nos couilles, c'est la crème de la crème. La crime. Pour les frères qui sont au mitard, 9-4 braque à la guitare. Dédicace à la crime à l'écoute. Yes. La crime, 94. Planète rap, 100%. Explicit lyrics. Maintenant t'es sûr que la coque est pure. Les balles sortent et devine ton futur. AK-47 on est mûr. Recherché comme des nids d'hirondelles. Sur le lit je suis devant ta rondelle. Referme tes cuisses et ça couvre toi. J'ai juste à dire sésame ouvre toi. T'as l'air étonné comme un lémurien. Ça finit comme dans un drame shakespearien. J't'ai vu, j'prends mon arme d'un coup d'œil. J'te tue, j'me tatoue une lame sous l'œil. T'as

tu veux qu'on te sauve, on se meurt. La vraie sauver. C'est que je suis autant obsédé par l'argent que je suis tôt, tôt, totalement pété, gros pété. Viens prendre ta cons avec la bile, on n'est pas à 11. 11, 11, oh là là, en verre pour le salaire, et je sers même le week-end. La putain de sa mère. Bas-bas, je bibi en bas. Tant pas, je vois le soleil se lever, se coucher, je mens quand je dis ça va. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. Sarajevo, Sarajevo, bande de Koufal. Monsieur So, mon ami. Dieu. Sarajevo, Sarajevo. Quel Koufal va m'assiéger? Hein? Million d'euros, million d'euros, je lis vos commentaires, bien sûr que je suis doué. Grosse, grosse nuit, Carniaya Touré. Camère légendaire comme Marc Vivien Foué. Ils ont creusé ma tombe. Jamais vendre la peau de l'ours sans l'avoir bien tué. Anarchie, hein, pirate, anarchiste, biatch, ramène tes copines, bang bang dans vos chats, crochet Verratti. On en force tranquille. Si je ferme ma gueule, c'est pas preuve de faiblesse. Habitué au mal, on a traîné dans les halls verts. Transporté de la gueule, gros, on est un divresse. D'ailleurs, j'attends toujours mon chèque. L'assassin me dans le bip de son sort. J'ai le Glock Zer qui caresse ma cuisse. Je peux t'allumer la même soirée, je me taperai une lobster. Prends-moi si je boycottais. Seule ta conscience pourra nous le dire. Je la répète là, caro, cheat, vision, trouble. Ton sommeil va s'approfondir. J'ai trop d'ennemis. J'avais pas le choix car je viens d'une famille pauvre. L'aspie est noire, elle vient de Sarajevo. J'avais pas le choix car je viens d'une famille pauvre. J'ai tellement d'ennemis. Sans mes codes, maman chef, tu vas faire. Wesh, monsieur So. Y'a des armes de guerre qui viennent de l'Est. J'ai de plus en plus de frères en tôle. Et j'ai plus en plus de haine, donc ma plume s'engraisse. Quoi, quoi, bah j'suis mort. J'étais dans le bloc, habitcraft de l'herbe. J'suis dans le stup, toi t'es au stud. Non, j'avais pas le choix pour me satisfaire. J'connais la misère mieux que son père. Plus de 10 piges que j'ai pas vu mon père. Tony Maïnègue, Tony Maïnègue. Follow me dans les bails noirs qui t'a pété du ferme. Koufar, Koufar, veut la place du boss. J'ai zéro défaite sur ma Euclard gloss. Arrogance pleine, gros, arrogance pleine, gros. J'arrêterai le rap quand mes poches seront pleines. Le R fait les jazz dans l'ombre. J'ai le silence d'une Aventador. J'ai le silence d'une Aventador. Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus fort. Dis-moi qui est le plus gore. Dis-moi qui est le plus gore. Je la répète là, caro, petite vision, trouble. Ton sommeil va s'approfondir. J'ai trop d'ennemis. Sur mes codes, maman, j'ai plus quoi faire. Mon avenir est tracé, pourquoi s'acharner à me mettre des barrières. J'ai tellement souffert. Oui, mon seigneur, j'ai tellement souffert. J'ai du dire. J'avais pas le choix car je viens d'une famille pauvre. L'aspie est noire, elle vient de Sarajevo. J'avais pas le choix car je viens d'une famille pauvre. J'ai tellement d'ennemis. Sans mes codes, maman, chef, plus quoi faire. El Kamer, a.k.a. Monsieur Sosa. Sarajevo. Bulbi. Square. Bitch. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Que des mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles. Hein? Réveille les mauvaises nouvelles, m'empêche de refermer les pots. fier. Tu iras nulle part avec des faux frères, tu les perdras parce que t'es trop fier. Cicatriser les plaies restent ouvertes. Ah ouais. Les lumières s'éteignent et je m'endors pas. Si je fais du bien, est-ce qu'on s'en rappellera? Qu'est-ce que je vais faire si je m'en sors pas? Est-ce que je vais retourner dans la salle? Ils nous voyaient bien rester en bas, mais finalement on s'en sort pas si mal. On m'a pas menti quand on m'a dit que la vie c'était aussi dur qu'une érection matinale. Même avec le but qu'on a au partage, genre du placard, je te laisse mon pactage. Quand y'a des lovés, y'a pas de pisser de lovés, y'a dans la de mer qu'on s'attache. Qualité défaut, j'ai appris de mes potes, j'ai appris de mes fautes, j'ai appris des autres. Je vis dans mon époque, j'ai des idées sombres et j'ai mes raisons. J'ai vu la bourgeoisie chialer, la zerbe sourire, c'est un truc de fou. L'argent fait pas le bonheur, on le saura jamais si on fait pas plus de sous. Ils savent tous des putains de problèmes, se prennent tous pour des savants fous. Pour les gars d'en dessous, faire les sous, c'est le rap, le sport où t'as fait dans le four. À transpirer sous la cagoule, les mains trempées dans toutes les magouilles. Tu vas dans le détail pour tous ces ratailles, t'as le froid du métal sur la couille. Un cadavre c'est presque gratuit, une cagoule à 11,43. Pose 15 000 euros sur la table, ils vont chez ta mère te fumer de sang froid. Eh ouais. Les ghettos ont tous les mains sales parce qu'ici tout est malsain. Un jour t'es un mec normal, le lendemain tu te lèves, t'es un gros assassin. Prisonnier de la rue, j'en ai vu combien prendre des grosses peines. On m'avait prévenu que l'argent en dépète, y'a que la daronne qui ressent tes peines. Et si on le voulait, tu serais mort depuis. Et si ton fils s'est fait embarquer, c'est parce que dehors on se moque de lui. C'est toi qui sors de ses baskets. Alors il va chercher sa plaquette pour acheter sa paire de Zanotti. Tout ça pour faire comme les grands du siècle. T'es mort ce qu'on apprend à Nanti. À voler, à mentir, à dealer, à sentir. Les coups foireux, apprentis voyous, on finit à pas grandir. Les gens sont beaucoup moins vaillants quand les sirènes retentissent. Je suis un peu ailleurs quand les types parlent, je deviens un peu plus attentif. Que des mauvaises nouvelles, que des mauvaises nouvelles, que des mauvaises nouvelles, que des mauvaises nouvelles. Réveille les mauvaises nouvelles, m'empêche de refermer les paupières. Tiens nulle part avec des faux frères, tu les perdras parce que t'es trop fier. Cicatriser les plaies restent ouvertes, même avec un million d'euros, oublie jamais tout ce que t'as souffert. Tu peux tout gagner comme tu peux tout perdre. J'ai des potos qui ont pris 10 piges fermes, demande-leur pas ce qu'ils pensent de dehors. Quand ils ressortent, ils peuvent pas s'y faire, va y retourner pour passer l'hiver. On accumule les mauvaises nouvelles, encore un petit qui a perdu la vie. Je sais que partout l'herbe n'est pas toute verte, quand je les regarde j'ai peur de l'avenir. Ben ouais fiston. Des fois on sourit comme si la douleur avait fui. Quand un frère meurt, c'est une partie de ma zoupe qui meurt avec lui. Maintenant que les anciens sont plus sur le circuit, les petits suivent, prennent leur relais. Après vous savez ce qui suit. Des mauvaises nouvelles, des cordons, des sacs poubelles, les sapes et les mains couvertes, 200 des corps découverts. À 150 km de là, sans jamais connaître le place du lâche qu'aurait pu commettre le meurtre. C'est peut-être tes collègues, va savoir. Je sais qu'après la mort c'est dur, la vie c'est pas simple. Mes rayons tous les mains sales, parce qu'ici tout est mal ça. Ouais, pour le regard des gens ça sent les machins. Toc toc, la capote a craqué dans le fond du vagin. 100% rap français, planète rap. La Nocturne. Walid dans La Nocturne, vous allez le retrouver sur Repro 2 de La Crime le 11 décembre. Ça, ce morceau s'appelle Parano, c'est ce qu'on écoute maintenant. Walid. Double S on the track, bitch. Les clients comme les vendeurs sont persuadés que le bonheur s'achète. T'as pas su freiner la vente de drogue malgré que t'aies changé tes plaquettes. Tu bosses pour des skateboards à la cité, y'a que ta mère qui s'inquiète. S'ils jouent avec des couteaux dans un parc, c'est qu'ils sont pas dans leur assiette. On sait que t'as une double facette, tu changes de couleur comme une boule à facettes. Jamais sans ma bande comme une cassette. Et si t'insistes, toi ils reviennent à 7. J'suis toujours à l'école, moi mais à la sortie j'ai le rap en double appel. Les grands frères n'ont jamais l'air tristes, toi y'a qu'à fleurir qui font de la peine. C'est la même musique qui recommence chaque matin. On veut un aller simple et ne plus revenir. Pour te rassurer, t'aimerais dire crainte t'atteint. Au lieu de cogiter sur ton passé, pense à ton avenir. C'est votre façon de penser qui nous rend parano. si c'est pas par lui, tu te feras trahir par un autre. Je sais qu'un jour ça va payer, comment gagner si t'as pas essayé? Tu peux toujours essayer, ils diront pas un mot. Ils diront pas un mot. Ils diront pas un mot. Ils diront pas un mot. Tu peux toujours essayer. Ils diront pas un mot. On passe l'hiver au checks, à attendre que le printemps arrive. Mais pour l'argent du pollen, y'a pas de saison, les frères tombent en automne à Fleury. Avec des baskets trouées, on se promène. Posé à la barrière, on rêve des Maldives. C'est sûr de la neige qu'on freine, donc on comprend pourquoi on dérive. Je te l'avais dit qu'on avait peur du ciel. Même si on vous déteste, on vous passera le CLM. Vous faites les penses comme vous passez le sel. Même avec le million, vous finirez seul. Depuis que tu l'as déclaré ta flamme, tu vas mourir à petit feu. T'iras tellement vite en enfer que tu n'y verras du feu. C'est la même musique qui recommence chaque matin. On veut un aller simple et ne plus revenir. Pour te rassurer, t'aimerais dire crainte t'atteint. Au lieu de cogiter sur ton passé, pense à ton avenir. C'est votre façon de penser qui nous rend parano. Si c'est pas par lui, tu te feras trahir par un autre. Je sais qu'un jour ça va payer. Comment gagner si t'as pas essayé? Tu peux toujours essayer. Ils diront pas un mot. Ils diront pas un mot. Ils diront pas un mot. Ils diront pas un mot. Tu peux toujours essayer. Ils diront pas un mot. Cette planète rock. La nocturne. Regarde ma terre en pleurs. Mais les choses ici prennent une telle ampleur. Les fils partent avant les pères, y'a trop de mères en sueur. Quand les fusils de la bêtise, je sente le même air en cœur. Le mangeur d'âme à chaque repas, sa preuve de nos rancœurs. Je l'entends toutes les nuits, las des fantômes qui la hantent. Las de leurs complaintes, tellement que des fois elle en tremble. Par le sang de la haine, constamment ensemencée. Ou pas cadencé, quand ce dernier chasse le vent hors des plaines. Rien n'a changé depuis où je vis. Juif, catholique, musulman, noir ou blanc. Fermez vos gueules, vous faites bien trop de bruit. Comme ces orages dans nos semelles, à nos larmes et leurs chocs. Sol aride dans l'uranium, à voler l'âme. Je pas d'une ville au cimetière. Plus grand que la surface habitable. Même s'il paraît que de l'autre côté tout est plus calme, plus stable. Je veux pas qu'après le jour J les survivants survivent sous néant, trop proche du néant. Car le soleil les prive de rayons. Les artères pleines d'amère comme un caddie au géant. On charge, à la sortie c'est tout dans les dents. Je crois que c'est dans l'air du temps. Chacun cherche son bouc émissaire, ouais. D'une simple vie ratée à l'envoi d'une bombe nucléaire. L'amour manque d'air dans leur monde, nous on suffoque. Tout on supporte, ça fait cerise. Et c'est les psys qui vont exorciser. Que quelqu'un me dise si j'ai des chances de voir enfin la paix exigée. Qu'un jour les abrutis s'instruisent perchés sur ma plume, j'attends ce moment, observe ce bordel. De petites flammes montées au ciel, pour elle j'ai saigné ce gospel. Eras bar à tire d'elle, l'as de la sève qu'on tire d'elle. On clame tout ce qu'on aime, mais aucun de nous n'est fidèle. Jalousie et convoitise se roulent de grosses pelles. Quand les problèmes viennent, on règle ça à coups de grosses pêches. Et pendant ce temps-là, certains amassent des sous par grosses bennes. Devine qui est-ce qui creuse, mais avec des plus grosses pelles. Quand est-ce qu'on y arrive? Là où le bonheur désaltère, où le futur se construit, sans cri, sans mec à terre, ni de centrale en fuite, rien sur le compteur GGR. Et finalement conscient qu'ici on n'est que locataire. Tu pars d'une location, regarde un peu ce qu'on en a fait. Quand le vieux fera l'état des lieux, on fera une croix sur la caution. On aurait dû le rendre comme on nous l'a donné. Clean, sans tache et innocent comme un nouveau-né. Seulement les nôtres meurent de faim en Afrique. Et y'a pas assez de fric pour eux. Alors la dalle faudra la tempérer. Des hommes tombent sous les rafales racistes, mais on peut rien pour eux. Alors les balles faudra les éviter. Le cul devant la télé, occupé à rêver. Le doigt posé sur la commande, on se sent exister. On râle, on gueule, on vote, espérant que ça va changer. Mais dresse des barricades et tu les verras tous hésiter. Garni d'incompréhension et de stèles géantes. Le globe rêve de compassion et de bourgeons renaissants sur ses branches. Les mêmes qu'on laissera crever un soir de décembre dans le silence. Juste un bout de carton pour s'étendre. Tout le monde a ses chances. De quelle planète vient celui qui a dit ça? Un homme politique, je crois, live de Bora Bora. Pendant que les foyers subissent façon Tora Tora. Mais bon, c'est bien est trop bas, alors forcément ils nous voient pas. Paroles, paroles, paroles, ils ont promis monts et merveilles, mais les merveilles se sont envolées. Il reste que des monts, mais c'est raide à grimper. Et au sommet, y'a que des démons en costume cendré. En bas, c'est les jeux du cirque, c'est aravé. Parce qu'on va se faire bouffer par des fauves qu'ils ont dressés. On note une sévère chute de sang sur la map, une montée d'air noir. Un jour on payera cher pour une bouffée d'air pur. Ici, c'est chacun sa culture, chacun son racisme. Seulement sur fond blanc, c'est le noir qui reste la meilleure cible. Les temps changent, c'est sûr, mais y'a toujours des irascibles. Ils ont le bonjour d'Henri Daron, Mourmet, Kézine, Jean. À l'heure où les gens dînent, y'en a encore trop qui cherchent. Pour eux, pas de 8 pièces, ils crèchent au parking. Tout le monde s'en indigne, ça dévalue le quartier. Ça effraie Mémé, et on sait bien ce que Mémé va voter. Du haut de leur tour de vis, droite comme la tour de Pise. Jumelles sur le pif, ils fractionnent, divisent à leur guise. On s'étonne ensuite que ça finisse en patricide. Car tout ce qui compte, c'est de gonfler les commandes de missiles. Vive la démocratie, celle qui brandit la matraque face à des pacifistes. T'es pas d'accord, on te frappe, multirécidiviste. C'est jamais cela qu'on traque. Ils vivent en haut des listes et mettent leur tronche sur les tracts. Ce monde agonise, vu ce qu'on y fait, c'était prévisible. Comme la goutte sur le front, dès que la mer se profile. Mais la peur atrophie les cœurs, peur de tout ce qu'on connaît pas. Alors on se barre de préjugés débiles. De partout les extrêmes dominent en prime time. À chaque fois qu'ils déciment une famille, et bien avant ces régions où sévit la famine. Image trop crue pour un bof devant sa viande trop cuite. Lui qui croyait que l'euro ferait beaucoup d'heureux. Pour les vacances faudra attendre un peu ou gagner au jeu. Mais là c'est pas trop l'heure, demain très tôt y'a le taf. Comprends, ce monde pas trop vite, aucune chance qu'on le rattrape. Sur la route des principes, ils ont mis des pièges à nous. Des gilets dynamites et des scuds, y'en a un peu partout. Faudra faire gaffe aux mines, au puits d'où la mort s'écoule. Il a beau être vif, mais à la longue, il évitera pas tout. Et un de ces quatre, il finira par tomber. J'espère qu'il y aura quelqu'un pour aider le prochain à se relever. J'espère qu'il sera pas comme le nôtre, aigri et crevé. Et j'espère surtout que celui-là essaiera pas de se faire sauter. Tu sais, on vit dans la télé, le globe s'est fêlé. Ils servent de l'emballer, mais en vrai c'est la mêlée. On se prend à espérer de choses simples, mais leur fabrique à peur s'est mise en branle. Tout ça pour les dérégler, crise sans cicatrice. Terreur dans la matrice, ils disent qu'une vie de plus à New York, Paris, Londres ou Madrid. Alors c'est comme ça, une échelle dans la peine. On aime ces catastrophes quand des gens manquent à l'appel. Surtout s'ils nous ressemblent, on les filme à la morgue. Ils nous dans les sofas quand on échappait à la mort. Mais reste dans les cœurs, l'anomalie appelle les peurs. Et grâce à ça de toutes parts, ils ont recours à la force. C'est une révolution, cette fois elle est de droite. Voilà pourquoi la chantage à l'emploi dans plein de boîtes. Voilà pourquoi ils veulent à tout prix implanter la croix. Et face à la télé, souvent on les croit dans leur croix. Ils disent c'est humanitaire, mais ils niquent les mers et la terre. Pour chaque écart c'est la guerre, si le quotidien est précaire. C'est qu'ils nous dressent à être délétères et se contenter de joie éphémère. Si l'Afrique est en colère, c'est parce que les trusts la pillent. Seuls les généraux corrompus coopèrent et jouent des vies au poker. Est-ce que la rancœur et le désir de revanche est tout ce qu'on leur a offert? On part du droit des femmes quand leur mari les frappe. Avec des clichés religieux sortis tout droit des fables. Comme si ici elles étaient bien depuis le Moyen-Âge. Mais c'est en 46 que s'est ouverte une nouvelle page. Maintenant elles nous valent, on dit dans les ouvrages. Pourquoi elles touchent moins de pognon à compétences égales? Pourquoi elles seraient moins faites pour être responsables? Alors qu'elles nous ont tous torché le cul nu dans le sable. Fort sur la boisson, Paris sur les canassons. Mais la réalité c'est qu'ils nous font bouffer du poison. Et dans l'hôtel du bonheur, beaucoup font la valise. L'espoir tué par des fanatiques libéralistes. Pas de bombes sales, ni de grosses salves. La stratégie est simple, ils exploitent et ils affament. Quand on les voit à la télé, c'est con, l'air affable. Mais le monde est à genoux quand ces bordis sont dits à table. Des comptes souffrent au nom, ils prétendent agir au nom de la liberté. Mais c'est la monarchie du pognon. La France et les States par faction interposées se livrent une guerre en Afrique et tu veux rester posé. Freedom par-ci, démocratie par-là. Mais j'ai maté sous la table et j'ai vu que c'était que des palabres. La vraie mafia, non, la cherche pas en Calabre. Mais dans ce bled ou dans les quartiers pauvres, à 40 ans, on tombe malade. À fumer du mauvais tabac et manger de la merde. Ou le Xanax fait un tabac avec l'alcool fort. Les rues deviennent des grosses forges. Et le métal y est commun, monté sur grosse crosse. La violence au quotidien, tant de gosses pauvres. Et moi j'attends l'apocalypse après cette apostrophe. J'en ai marre de tous ces mensonges qui colportent. Pour les servir dans de nombreux cas, y'a mort d'hommes. Tous terroristes, j'entends leurs théories. Vanter le sacrifice pour des principes, c'est horrible. Les mômes survivent, nourris à l'eau et au riz. Pendant que leur pouf balada, Spen ou Saint-Moritz. La flore crame, la fontaine. Dit c'était des barbus qui lâchaient l'agent orange sur le Nord Vietnam. Nah, c'était les boys. Mais qui peut m'indiquer la justesse d'une cause? En partant de là, chacun écrit ses droits. Désolé, je trouve aucune excuse à Hiroshima. On peint l'histoire comme on colorie vite une image. Et peu importe qui se fait tuer, chaque fois je le vis mal. On croit à nos gendarmes qui servent et nous protègent. Mais moins au Rwanda quand ils jouent du lance-roquette. Pour placer le pantin qui conviendra à la France. Une casserole de plus au ministère de la Défense. Ils crêpes, le chignon. Au fond, ils sont ignobles. Sur la conscience des députés, y en a plus d'un million. Quand il faut des aiguilles, nos politiques ont des chignoles. Des fils sur des chars, le 14, ils se pignolent. Le son de la Marseillaise et d'une imagerie guerrière qu'ils veulent tranquillement refiler aux élèves de leur appart dans le 16. On voit un tableau différent, ils disent croire en Dieu mais croire en ce qu'ils possèdent. Ils trouvent même pas un corps dans les ruines du World Trade. Ils sortent des débris, le passeport de Mohamed. Je peux plus exprimer combien on trouve ça grotesque. Je comprends pourquoi c'est le désir dans les bibliothèques. Au collège de la vie, ils jouent les profs d'histoire et abreuvent le quotidien de mille sorts n'est illusoire. On a bâti une forteresse, la nommée à la moute, coincée physiquement entre garde à vue et garde à vous. Compte tenu de la pression patriotique, j'admire les gens de gauche en Israël, en Amérique. Qu'est-ce qu'on vaut mieux en France? Désolé si j'insiste, mais regardons-nous franchement, on est aussi racistes. Ensuite ils vendent ma liberté au marché public. Ils tannent grave avec les valeurs de la République. La République, elle passe ses week-ends en régate. Ils se prostituent de toutes parts pour un Airbus ou une frégate. Elle exécute dans une grotte des opposants kanak et mange à table avec des gars style Giancana. Puis explose le Rainbow Warrior et dessine le frontière du tiers-monde à la terrasse du Marriott. Sponsorise les fanatiques aux quatre coins du monde. Ils entraînent au combat et manipulent les bombes. Le collier casse, c'est qu'on échappe à tout contrôle. Et quand ils mordent la main du maître, alors on crie au monstre. Ils discutent notre futur autour d'un fichier. Pour notre sécurité, Zarma, ils veulent nous ficher. C'est la France de derrière les stores et j'en ai marre de me faire truger par des tranches de dispensés de sport. Je me bats pas pour la Porsche, mais pour un meilleur monde. Avec mes petits bras, vivant à cette époque où la terreur gronde, où la frayeur monte. Travaille sur moi chaque seconde pour être un meilleur homme. On vit en ces temps dans un taudis de Paris. 36 gosses meurent brûlés vifs quand les demandes en HLM dorment depuis des années dans les archives. Alors des employés de la mairie en obtiennent avec terrasse et parking. T'appelles pas ça du racisme? Après ils pleurent quand perdu on revient aux racines. Ils ont caricaturé nos discours radicaux et l'ont résumé par wesh wesh ou yo yo. Nous complexés, si peu sûrs de soi, on s'interpelle entre nous comme Rital, Rebeau, Renoir. Chaque jour la grande ville resserre l'étreinte et tu peux voir les noms des nôtres évaporés écrits sur des trains. Ma vie, un mic, une mixette, loin des ambitions de qui sera élu président en 2007. J'adore ce moment où il dévoile le minois de qui devra tailler des pipes monumentales aux chinois. À défaut d'argent, putain de nom du temps, dans nos bouches le mot liberté devient insultant. Car c'est les soldats qu'ils portent et non plus le vent. Comme si le monde était rempli de cruels sultans. Mécontent des schémas qu'on nous propose, je cultive maintenant les roses dans mon microcosme. Mesure les dégâts minimes que mon microcosme. Ça ne peut qu'aller mieux, alors j'attends la fin de leur monde. La nocturne et la fin de la nocturne avec ce classique d'IAM pour conclure cette nocturne 100% rap français. Dans une semaine, évidemment, on sera de retour le dimanche soir, le vendredi soir, juste après Difou. Le dimanche soir, je suis là aussi pour Rise Supreme. Ce sera par contre ce week-end à Paloupe avec DJ Case. Et sinon, vendredi prochain pour une prochaine nocturne. Sinon, dès lundi, Planète Rap entre 20h et 21h à Paloupe. On sera avec Gradure. Passez une bonne nuit, une bonne soirée. Essayez de vous changer un petit peu la tête. Et rencard lundi, 20h, 21h sur Skyrock. Ciao. Rap et R&B. Non-stop. Non-stop. Skyrock.